exprès pour toi. Jusqu'à tes dernières heures, tu avais juste un don pour le malheur. Et puisque tu ne chanteras pas en entendant cet air-là, je t'ai composé ce requiem pour une conne. Pour une